ဒီနေ့ဘုဇင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပိဋိဒံဘုဇင်တရားကိုဆက်ပြီးတော့ဟောကြမယ်ပေါ့နော ် Today Sierra will continue talking about the Bojangas with PT Sambojanga. Aujourd'hui, Sayado va continuer à parler des Bojangas avec PT Sambojanga. PT est la qualité qui rend les états d'esprit qui apparaissent avec elle apaisés. Elle les rend satisfaits, elle les rend heureux. Piti a en elle-même la nature de se sentir détendue, satisfaite et joyeuse. La caractéristique de Piti est Sampiyayana Lakana Piti, qui est la caractéristique d'apaiser, de satisfaire, de rendre heureux. Et elle rentre dans le flux de conscience, et quand elle le fait, elle imprègne l'esprit. Et en même temps, quand elle rentre dans les flux de conscience, elle n'affecte pas seulement l'esprit, mais elle cause l'apparition des bons phénomènes physiques. La matière qui apparaît est bonne, est légère, agile et habile. Cette matérialité bonne, claire et agile qui est causée par Piti se répand en nous et à travers l'être du yogi. Sa fonction est de permettre à cette bonne matière de se répandre dans le corps. Et à cause de cette matière claire, légère et agile qui est dans le corps, il n'y a pas de lourdeur, il n'y a pas de grossièreté. Le corps est dénué de ses qualités. Vu que la matière dans le corps est gentille, pliable et agile, le yogi ressentent comme s'ils étaient assis sur l'air, ou que le corps pourrait même rebondir en haut et en bas. Il peut sembler qu'il se roule, que le corps se roule, on peut avoir l'impression de se pencher ou d'être poussé sur les côtés. On peut avoir la sensation d'être assis sur un canapé ou être assis dans un endroit très confortable. Piti se manifestent dans le corps et l'esprit, les deux, comme s'ils étaient en train de léviter. Il y a cinq types de piti, qui est appelé aussi intérêt joyeux. Le type mineur de piti est appelé kudita piti. Elle se manifeste comme la sensation des picotements ou la chair de poule. Et ça se passe quand le yogi pratique, et à travers la pratique, l'esprit devient pur et libre des nivarana, les obstacles à la concentration. Ça est la caractéristique de la piti mineure, kudita piti. Le deuxième type de piti est appelé kanika piti, ou la joie momentanée. Elle vient et s'en va à plusieurs reprises, comme le flash des éclairs, et puis elle disparaît. Ça se présente à plusieurs reprises comme ça. Donc il y a Kanika Piti, la Piti, la joie momentanée. Elle est un peu plus puissante de la Piti mineure, Kudika Piti. Le troisième type est appelé Okantika Piti, qui se présente comme des vagues. Ces vagues simplifient et ça semble comme si elle était en train de submerger le yogi. Quand ce type de piti apparaît, le yogi se sent perplexe. Qu'est-ce qui va se passer? Et puis, la sensation passe sur tout le corps et elle s'en va. Le quatrième type de piti est Ubega piti. Et ce facteur élève le corps avec son élan. Le corps peut sentir une sensation de tremblement agréable, ou comme si on était assis dans l'air. C'est comme si le corps n'avait pas de poids. Et quand le yogi marche, il n'y a pas la sensation de marcher sur quelque chose. Le yogi piétine sur le sol, mais il ne sent pas les pas. Le cinquième type est appelé Paranapiti. Parana signifie répandu. Elle imprègne tout le corps et elle dure pendant longtemps. La façon dont elle imprègne le corps est comme quand il y a de l'air dans une montgolfière. Elle se répand dans toute la montgolfière. Et de la même façon, cette part en appétit imprègne tout le corps. Si le yogi est assis quand ce type de piti apparaît, il ne veut pas se lever. Il se sent tellement bien. Les yeux du yogi sont fermés, mais le yogi il ne veut pas les ouvrir, car il se sent si bien. Il n'y a pas d'endroit en eux où ils ne se sentent pas bien. Chaque partie du corps se sent bien, donc le yogi se sent heureux. Les trois premiers types de piti sont faibles, mais les deux dernières, ubega piti et parana piti, sont des fortes piti et sont aussi appelées balawa piti. Le Bouddha a dit qu'il y a seulement une cause pour l'apparition des piti sambojanga. Il y a des moments de piti qui apparaissent à cause de la pureté du Dhamma. Et il y a aussi la piti qui apparaît en connexion ou à travers la réflexion sur le Bouddha, le Dhamma et la Sangha. Donc, le yogi doit avoir une considération sage et utiliser cette considération sage afin de permettre l'apparition des piti dans le flux de conscience. Donc, cette considération sage est la cause pour l'apparition des piti. Les commentaires énumèrent 11 causes pour l'apparition de piti sambojanga. La première est Buddhanusati, la réflexion sur les qualités du Bouddha. Le Bouddha a beaucoup de qualités. Vous pouvez en contempler simplement une, ça c'est assez. Bien que vous pouvez en contempler plus si vous en êtes capable. Mais contempler une qualité du Bouddha est suffisant pour permettre l'apparition des piti. Un exemple d'une des qualités du Bouddha est le mot Arahato, qui est dans la phrase qu'on récite chaque jour. Namo, Tassa, Bhagavato, Arahato, Sama, Sambuddhasa. Le mot Arahan, duquel dérive le mot Arahato, fait référence à la pureté du Bouddha. Le Bouddha était complètement pur des pollutions. Il n'avait pas des pollutions mentales qui pouvaient apparaître en lui. Ça est ce que signifie Arahan, cette pureté complète. On peut réfléchir sur cette qualité. Pendant qu'on pratique l'entraînement des Sila, Samadhi et Panya, les pollutions au niveau grossier, moyen et affiné sont toutes supprimées. Le Bouddha, qui a donné cette méthode, est sûrement libre de toutes sortes de pollutions. Quand on pense à ça, à la pureté qui vient à travers le chemin de la pratique, on peut comparer le type de pureté que nous avons expérimenté nous-mêmes dans la pratique et comprendre comment la pureté des Bouddhas est beaucoup plus grande. Même sans cette comparaison, on peut toujours comprendre la pureté qui vient à travers notre propre pratique. Et réfléchir sur ça peut apporter de la joie. La deuxième cause pour l'apparition de Piti Sambojanga est de réfléchir sur les qualités du Dhamma, de pratiquer Dhammanusati. Il y a 6 qualités spéciales qui possèdent le Dhamma. La première est Swakato Bhagavata Dhammo. Le Dhamma des sages, le Dhamma du Bouddha est bien proclamé, est bien prêché. On peut réfléchir sur cette qualité le Dhamma du Bouddha est bien proclamé, il est bien réfléchi. Qu'est-ce que veut dire d'être bien réfléchi? Quand on applique le Dhamma qui a été enseigné, prêché par le Bouddha, on obtient des résultats qui sont cohérents avec la pratique. Des 3 entraînements des Sila, Samadhi et Panya, la moralité, la concentration et la sagesse, considérez ce qui se passe quand on pratique Sila par considération pour les autres. Quand on maintient les précepts et on s'abstient de blesser les autres, on est libre des dangers qui viennent du fait de briser les préceptes. Si on commet de grands méfaits en parlant ou avec notre corps. Donc ça nous donne de la satisfaction. On est satisfait de nous-mêmes. Et les autres, spécialement les sages, approuvent et félicitent quelqu'un qui garde son comportement propre. En plus, car on ne brise pas les préceptes, on n'aura pas de problèmes légaux, on n'aura pas de difficultés avec la loi. Et encore plus loin, s'il y a effectivement une vie suivante, on aura des bons résultats pour ce moment-là. Mais même si on n'a pas, on peut avoir des bienfaits dans cette vie. Ceci est comment le Dhamma de Sila est bien proclamé. Considérez la pratique de Samadhi. Quand on pratique Samadhi, on peut expérimenter Samatha Sukha. L'esprit devient calme. Les vedanas sont apaisés. L'esprit devient très subtil et on peut expérimenter les absorptions. Le premier jhana et le deuxième jhana, ainsi que le troisième et le quatrième jhana. À travers la concentration de l'esprit, on obtient ce type de paix mentale. Donc, la pratique des samadhis et ses résultats sont cohérents. Et ça est la signification des wakata. Maintenant, on pratique vipassana. Et en pratiquant vipassana, on peut aussi obtenir la concentration vipassana et aussi les absorptions. Et quand on pratique la méditation vipassana, même avant de réaliser l'étape de Sankharupekanyana, quand on arrive à l'étape de Upayabhayanyana, voir les apparitions et disparitions des phénomènes physiques et mentaux, on expérimente un bonheur qu'on ne veut pas lâcher. La sensation est très bonne avec la qualité des piti et des pasadi, l'intérêt joyeux et la tranquillité. Il y a un certain bonheur rebondissant dans cette étape-là. Quand on pratique et on arrive à l'étape de Sankharupekanyana, et aussi un bonheur paisible. Le bonheur de voir les choses se calmer. Et ensuite, il y a le bonheur garanti dont le Bouddha a parlé. À travers la pratique enseignée par le Bouddha, on peut attendre ces résultats. Ça et que ça signifie le Dhamma du Bouddha est bien proclamé. Après l'étape de Sankharupekanyana, on continue à pratiquer. Quand la connaissance vipassana atteint sa maturité, alors on expérimente la cessation des phénomènes physiques et mentaux à travers la connaissance du chemin et du fruit. Donc, on a les résultats qui sont décrits dans la pratique. On obtient les résultats à travers la pratique. Donc, c'est pour ça que la pratique est dite bien proclamée. Le Dhamma est bien proclamé. Car en le mettant en pratique, les résultats sont obtenus. Donc, ces résultats ne sont pas obtenus avant de compléter notre pratique. Mais quand on pratique, on arrive à connaître les résultats de la pratique. Une autre façon dont le Dhamma est bien proclamé, Svakata, est qu'il est bon au début, il est bon au milieu et il est bon à la fin. Comment le Dhamma est bon au début? Quand une personne écoute respectueusement le Dhamma, leur esprit devient pur et la joie apparaît. Ça est la bonté qui apparaît au début. Et comment le Dhamma est bon au milieu? Quand on pratique, on obtient le bonheur. Quand on pratique l'entraînement des Sila, on obtient la paix d'avoir un comportement physique et verbal pacifique. Quand on pratique Samatha et Vipassana, on a le bonheur de Samatha et le bonheur de Vipassana. Donc, quand on pratique le Dhamma, en pratiquant, on obtient le bonheur. La troisième cause pour l'apparition de Piti Sambojanga est Sanghanusati, réfléchir sur les qualités de la Sangha. Entre les qualités de la Sangha, Il y a le fait qu'elle a pratiqué les enseignements du Bouddha, les enseignements de Sila, Samadhi et Panya. Elle a pratiqué selon les instructions du Bouddha et ils ont réalisé la cessation de la souffrance à travers leur pratique. Et nous aussi, nous sommes en train de pratiquer selon les instructions. Donc, si on réfléchit sur la pratique de la Sangha et la notre pratique à nous, ça apporte des résultats et on peut ressentir piti, la joie. La quatrième cause pour générer piti est Silanusati, réfléchir sur les préceptes moraux, les préceptes qu'on a gardés intacts pendant quelque temps. Les moines ont leur propre sila qui doit garder intact. Les laïcs ont un minimum de 5 préceptes. Ici, en tant que yogi, on prend 9 préceptes. Et quand on maintient les préceptes, selon qu'on est moins laïque ou yogi, si on maintient notre sila pur et puis on y réfléchit, on se sent assez satisfait. Et ça cause l'apparition de la joie. La cinquième est de réfléchir à plusieurs reprises sur les actes de générosité que vous avez faits, est appelé Chaganusati. Pour que la joie puisse apparaître suite au fait du réfléchir sur vos actes de générosité, ces actes doivent revenir à pratiquer la perfection de la générosité. Ça signifie que quand on donne, on doit avoir comme but le bonheur du destinataire, pas notre intérêt égoïste, mais le but est le bonheur du destinataire qui reçoit le dana. Et aussi pour nous-mêmes, on doit avoir l'objectif que cette action soit un fondement pour notre réalisation des Nibbana. Ça est ce qui est considéré Paramidana. Ce haut niveau est ce que signifie Chaga. Spécialement en temps de pénurie, quand il n'y a pas assez de nourriture ou d'eau, quand on partage nos possessions, surtout avec nos compagnons de Dhamma, alors on ressent du bonheur. On ressent le bonheur d'avoir pu donner quelque chose de spécial. Et aussi, les gens ici qui ont supporté la pratique des yogis en donnant des petits déjeuners ou le déjeuner ou les jus, ça est fait pour soutenir la pratique de nos compagnons des pratiques. Quand on réfléchit sur cette générosité, ça peut causer l'apparition de la joie dans notre esprit. La sixième cause pour l'apparition des pitis est appelée Devatanusati, qui signifie littéralement le souvenir continu des êtres célestes. Ça signifie qu'il y a des êtres de haut niveau dans les royaumes célestes, le royaume des Devas et le royaume des Brahmas, et ils n'ont pas eu renaissance dans ces royaumes pour rien. Ils sont nés à nouveau dans ces royaumes car ils avaient la foi en premier lieu, la foi dans le fait que faire des bonnes actions porte à des bons résultats et que des mauvaises actions portent à des mauvais résultats. Donc, ils évitaient des choses mauvaises et faisaient des bonnes actions. Ils gardaient les préceptes moraux et aussi ils pratiquaient des actes de générosité. Et ils ont développé leur esprit avec Bhavana. À cause de cet acte exceptionnel, avoir la foi, la moralité, la générosité et pratiquer la méditation, à cause de ça, ils sont arrivés dans les royaumes des Devas et dans les royaumes des Brahmas. Tout aussi qu'ils sont déjà renés dans les royaumes célestes à cause de leurs bonnes actions, tout aussi qui possèdent la foi, la moralité et d'autres dhammas, nous aussi, nous avons ces qualités. Donc, on prend à exemple la foi, la moralité et les autres dhammas qui sont possédés par les êtres célestes. Et on réfléchit sur nous-mêmes pour faire surgir piti. La septième cause pour l'apparition des piti est Upasamanusati, qui est réfléchir sur la cessation des pollutions mentales, les kilesas. Au niveau le plus haut, la complète cessation des kilesa et nibbana, et réfléchir sur la paix des nibbana, la fin complète des cycles des kilesa et des souffrances, cause l'apparition de beaucoup de joie. Et avant ça, il y a la paix qui peut être atteinte à travers la pratique des samatha ou des vipassana. Par exemple, quand les gens pratiquent les absorptions, leur esprit peut rester libre des pollutions pendant 50 ou 60 ans, pendant des décennies pendant lesquelles les kilesa n'apparaissent pas dans l'esprit. Donc, quand on réfléchit sur la paix qui peut être obtenue à travers la pratique de cette façon, ça peut apporter de la joie dans notre esprit. Quand on pratique vipassana, quand les yogis se libèrent complètement des empêchements, les nivarana, l'esprit devient assez pur, et avec cette pureté, une forte piti apparaît. Le yogi sait « Je ne suis pas comme j'étais avant. Avant, dehors dans le monde, j'étais craintif, j'étais stressé pour rien. Mais maintenant, je suis dans les royaumes du Dhamma. » Donc, cette pensée apparaît, et si on réfléchit sur comment les empêchements sont apaisés, ça cause l'apparition des pitis. La huitième cause pour l'apparition des pitis est Lukha Pugala Parivajanata. Signifie qu'on ne doit pas s'associer avec des gens qui ont beaucoup de rage, beaucoup de colère, ce qui les rend grossiers et durs. Quand leur esprit est plein de colère, il est très fragile. La colère est l'envers de pitis. Les gens n'ont pas de metta, l'amour bienveillant dans leur esprit, s'ils sont en colère. Donc, il serait bien d'éviter ce type de gens. La neuvième cause pour l'apparition des pitis est de s'associer avec des personnes gentilles. Sinida Pugala Sewanata. La personne gentille a peu de colère et a une forte metta. Leurs attitudes mentales sont gentilles. Avec cette mentalité gentille, ils ont des forts sentiments de bonne volonté. Ils ont des actions et des paroles subtiles et gentilles. Vivre avec quelqu'un comme ça, qui est gentil, dont l'esprit est gentil, qui a beaucoup de métta, est très paisible. Donc, on doit choisir d'être autour de ce type de gens. On se sentira en paix et piti pourra apparaître. La dixième cause pour l'apparition des piti est de réfléchir sur les suttas inspirants. Pasadaniya suttanta pachawekana. Les suttas sont les enseignements sur les qualités du Bouddha, du Dhamma et de la Sangha, et aussi les enseignements qui parlent des bienfaits de la pratique de la méditation, spécialement Satipatthana. Donc, quand on écoute, on réfléchit et on discute sur les enseignements, on parle des bienfaits de la pratique de Satipatthana, on en connaît les bienfaits et la joie peut apparaître. La onzième cause pour l'apparition de Piti Sambojanga est Tadadimuttata, de toujours pencher l'esprit sur le développement des pitis, cette sensation apaisante et satisfaisante dans n'importe quelle posture. Vous devez donner priorité au développement des pitis en concentrant votre attention sur le corps et en observant chaque objet qui apparaît en ordre de dissiper les obstacles à la concentration, les nivarana. Pour que piti puisse apparaître comme ça, on doit observer dans toutes les postures. On doit marcher avec attention, être debout avec attention, être assis avec attention, être allongé avec attention. Et quand on observe comme ça, l'esprit est toujours penché avec attention en donnant priorité à l'apparition des piti. Donc, on doit avoir l'attitude de noter chaque objet qui apparaît. Et en penchant l'esprit comme ça, et en notant, Le samadhi devient fort et piti apparaît sûrement. Sayado vous exhorte à chercher de développer piti sambojanga et les 11 causes pour la générer. Sayado espère que nous pouvons générer piti jusqu'à qu'elle devienne piti sambojanga. On devrait chacun pouvoir le faire. Sadhu, sadhu, sadhu. Et puis, je Wale Magline, Yale Magline, Taine Magline, Eile Magmane, Niadana Rima, Mabani Rabo, Tabidi Damozin Piedre, Miedzi, Uzabe, Pio, Tenu des Eglésines, Amede, Alezo, Bidi, Pila Dabare, Bidi, et Nassu, Unda, Jauma, Ve, non? Bidi, Arago, non? John Tessa de Mio, Arilo, Seigneur Bomia Jim, Guyadanama, PDDRI, le Pimia, Jusa Atu Nanya Vazi, Atu Nanjimpi, Ozi, PDA Tambozengo, Kanzana Nanya Vazi. Sadu, sadu, sadu.